me payer un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra, j'entrerai dans ton jeu. Si tu me payes un verre, je te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie, ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, je te demanderai rien, je te contemplerai, nous dirons quelques mots en prenant nos distances, nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirai de vérité première, il faut savoir s'aimer avec la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout, je ne suis rien qui vaille. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout, tu seras mon ami au moins quelques secondes, nous referons le monde aussi en mes deux bouts, heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'emporte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui réponde, alors paye ton verre et je paierai le mien, nous serons les coups.